Audiomatique. We'll be right back. La transmission 495 d'Audiomatique s'est amorcée sur la musique du groupe Liquid Arlo Celluloid du plus récent album intitulé Anamnesis, paru en 2020. Nous écoutions la composition Asphyxia. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste américaine Annie Clark, mieux connue en tant que Saint Vincent, d'assurer la continuité à Audiomatique. Just to feel my headache pound. a touch of class. Be an everyday object spinning in midair. If I ever get out, if I ever get out. Nous avions droit à Audiomatic, à Thom Yorke, qui a composé récemment la bande originale du film Confidenza, qui a été réalisé par le cinéaste italien Daniele Lucchetti. Donc, de la bande originale du film Confidenza, sorti le 26 avril 2024, nous entendions la chanson Four Ways in Time. Et précédemment à Thom Yorke, il s'agissait de l'artiste américaine Saint Vincent et la pièce titre de son 7e album studio paru le 26 avril 2024, All Born Screaming, sur laquelle on peut entendre l'artiste galloise Kate Lebon. Allons-y maintenant avec la formation argentine Entre Rios. Thank you. Thank you. Audiomatique, nous venons d'écouter le Tide Plus Tickle Trio et sa composition Four Pole qui apparaît sur le deuxième album intitulé EA1, EA2, paru en 1999. Auparavant, c'était The Future Sound of London qui nous livrait sa pièce Distant Memories qu'on peut retrouver sur le volume 5 de la série From the Archives. Et pour amorcer la séquence, nous entendions la formation Entre Rios et la pièce Mass tirée de son premier album Sal, publié en 2002. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le duo anglais Blue Lab Beats. We'll be right back. Flowers of every color, the water and all the hue, and I long for my true lover. I walking on, walking still and weary, sleep I can get none, for the thinking of my dearie, I walking on. When I sleep, I dream. When I wake, I weary. For sleep I can get none, all the thinking on my dearie, I walking on, and weary, sleep I can get none, for the thinking on my dearie. All C'était à Audiomatic l'artiste anglais Sam Lee. De son quatrième album, lancé le 15 mars 2024 et intitulé Song Dreaming, qui poursuit son exploration de la musique folklorique et traditionnelle britannique, nous entendions la pièce I Walking Ho, une reprise de la chanson composée originalement en Scots par le poète et parolier écossais Robert Burns en 1790. Tout juste avant Sam Lee, nous avions droit à l'artiste américain d'origine mexicaine Alejandro Escovedo, qui a fait partie entre autres du groupe punk The Nuns au milieu des années 70, des groupes de country rock Rank and File et de True Believers au début des années 80 et du groupe de rock and roll Setters dans les années 1990. Mais c'est surtout en solo qu'il a été le plus productif. De son plus récent album solo Echo Dancing, paru le 29 mars 2024 et sur lequel il a réinventé et réenregistré certaines pièces de son répertoire, nous entendions la chanson Thought I'd Let You Know, dont la version originale apparaît sur l'album Burn Something Beautiful, sorti en 2016. Et ce qui précédait Alejandro Escovedo, c'était le duo anglais Blue Lab Beats. De son quatrième album Blue Eclipse, lancé le 19 avril 2024, nous écoutions la pièce titre. Nous conclurons cette transmission d'Audiomatic sur la musique de nul autre que Genesis. De l'album homonyme paru en 1983, nous allons entendre la pièce Silver Rainbow. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Genesis et la pièce Silver Rainbow. C'était Audiomatic avec les sonoristes. To blue, and you keep on.